le mixtape. 2008, yeah. 2009, le rap a pris une vitesse. J'passe la 8ème, banane, on est halte, prépare l'aspirine avant la migraine. J'veux la victoire, avec un rêve dans la tête. J'veux pas d'histoire, mais pas ta graine dans la mienne. J'me tape, que t'aimes ou que t'aimes pas, t'écoutes gars. Dans ce rap en mode baseball, ils mettent le vent, moi j'mets les coups de patte. 2008, mixtape, le son des halls. 2010, on sera mis tête à rugir du fond des zones. Et débile, mon débile, débile, devant débile. J'ai la phrase qui frise, le ciel écrase, et brise ta glace qui crise. J'entrave, les cris graves de mon hostie, mon blase. Rime hostie qui bave, à des mots 2-0-0-8. Match, je montre ma comète, mat, le ton de ma colère, c'est mat, max, c'est mac, mac et marche, ma plume n'a pas le sommeil. J'ai mal, mal, pardonné, ma marche, écrasonné, ma marche, j'ai mal tourné, je crois à l'image, ma patch. Votre rap comme un indique, je monte ou je descends. Comme un testané, à des mots et chaud, même en décembre. J'ai trop la fait la merde, ça rend méchant. Tu parles de flow, c'est la guerre, mec. T'inquiète pas pour moi, je suis dans les temps. Le son des hauts, le son des hauts. 2008, on fait les dièses, le son des hauts, le son des hauts. Là, on remue la merde, le son des hauts, le son des hauts. Trop de problèmes pour tout stopper, le son des hauts, le son des hauts. À des mots trop de haine, tu connais. C'est bon, GG bombé, bon, pour mieux plomber le son. Bon, 008, y'aura pas de plan B, ça fait check. Pas possible d'être parfait, le rêve, casse, c'est pas de faire la paix. On fera tout pour faire croquer la mif et les frères. Nous on veut juste manger, plus vendre de shit. Mais des thèmes, mais des tonnes de baf, base, pesé au milligramme. Et sonne, Val, Thomas, trop speed, trop bizarre. C'est sale, Val, demander comment on finit mal. Les connes, Vlan, pas y'a des mots, c'est mitraille. Rage, rare. Rafale sur la tête, rage. Fais la pas, fais la pas, fais la pas, ça personne. Fais la pas, fais la pas, fais la pas, la paix. Fais la pas, fais la pas, fais la pas, des choses. Fais la plage à tes mots. On a tous un souhait, prions pour réaliser. Que Dieu m'entende, tu l'arbitres avant qu'ils viennent me pénaliser. Je sais que survivre, je veux vivre, simplement de tu. Mais le monde a score, car pour atteindre le bonheur, et c'est là que te tue. Le son des hauts, le son des hauts. 2008, on fait les dièses, le son des hauts. Là on remue la merde, le son des hauts, le son des hauts. Trop de problèmes pour tout stopper, le son des hauts, le son des hauts. A des mots trop de haine, tu connais. C'est le bon micro à la recherche de poitrine aussi grosse que Loana. Faut à la face la plus connue d'Artemo, j'suis trop alarmant. Peu de vocabulaire, le coca suprême. J'ai vodka, j'suis de pêche pour ta gueule. Pose ta bouteille, un putain de morceau amorcé, mort vivant, pas tant mort, ok. J'ai mis mes boules à l'hameçon et vous mordez. J'écris sur une boîte de pharmacie et y'a pas de mal. Car dans ma vie, avec ce que j'mange et ce que j'porte qui n'a pas de mal. J'rappe pour les SSDF, les mecs, les terres qui niquent les profs, les keufs, de la SNCF. Qui check les raids, qui baisse les traites. Et y'a une parole, ceux qui restent les mêmes. J'prouve, grave, prouve, crame, coude, crasse. J'me me coude, me crade, crade. Sous de rap, bouge de la vieux. Écoute, brave, c'est chaud, tête de ta gueule. 2008. Parce que faut tomber dans les pommes pour enfin voir les étoiles. Le son des all mixtape, s'il te plaît, bouge tes oreilles de ton gosse et raconte-lui une histoire. Le son des all, le son des all. 2008, on fait les dièses, le son des all, le son des all. Là, on remue la merde, le son des all, le son des all. Trop de problèmes pour tout stopper, le son des all, le son des all. A des mots trop de haine, tu connais. Et y'a pas de mal, car dans ma vie avec ce que je mange et ce que je porte qui n'a pas de mal. J'rappe pour les SSDF, les mecs, les terres qui niquent les profs, les keufs, de la SNCF. Qui check les raids, qui baisse les traites. Et y'a une parole, ceux qui restent les mêmes. J'prouve, prouve, grave, prouve, crame. Coude, crasse, j'me me coude, me crade. Sous de rap, bouge de la vieux. Écoute, brave, c'est chaud, tête de ta gueule. 2008, parce que faut tomber dans les pommes pour enfin voir les étoiles. Le son des all mixtape, s'te plaît, bouge tes oreilles ton gosse et raconte-lui une histoire. Le son des all, le son des all. 2008, on fait les dièses, le son des all, le son des all. Là, on remue la merde, le son des all, le son des all. Trop de problèmes pour tout stopper, le son des all, le son des all. A des mots trop de haine, tu connais. Le son des hauts, à des mots trop de haine, tu connais.